Chapitre 9e. Ce que peut un billet de 1000 francs. Armande sentit bientôt qu'elle était de nouveau sacrifiée. « Vous voyez, dit-elle à Martel, que j'avais raison de ne pas croire au retour de Maurice. C'était un bonheur. Au moins, je ne tombe pas de trop haut. » Puis elle ajouta avec un sourire plus triste que des larmes. « Je commence à prendre l'habitude de tomber. Je ne me blesse plus. »« Ne suis-je pas tout à vous, dit-il. Pourquoi ne me parlez-vous pas plus franchement ?»« Je suis sincère. Ce que j'éprouve aujourd'hui n'a rien de ce que j'éprouvais la première fois. C'est grand-père que je dois pleurer. Je lui serais infidèle de pleurer un autre. » « Que comptez-vous faire ? » reprit-il après quelques instants. « Rien de plus ni de moins que ce que je faisais. Être pour lui aujourd'hui, demain, toujours, ce que j'étais il y a 15 jours. Et la force. Victorine me reste. » Puis elle ajouta en lui tendant la main. « Victorine et vous ?» Elle prononça ce mot franchement, les yeux levés, le regard assuré. C'était la réponse aux paroles dites naguère par Martel. « Pour que je vous voie chaque jour, il faut que vous soyez heureuse. » Il la comprit telle qu'elle était faite, dans toute son étendue, avec toutes ses conséquences. « Pour la vie, » dit-il d'une voix ferme, et il prit la main qu'elle lui tendait. « Plus je suis malheureuse, dit-elle, plus j'aurai besoin de savoir que d'autres ne souffrent pas par ma faute. Je vous en prie, essayez encore de trouver mon père. » Dans sa poursuite à travers les balles, il avait coutume de choisir une place d'où il pouvait embrasser d'un coup d'œil toute la salle. Il s'asseyait à une table, puis, pour passer le temps et ne pas regarder sans cesse les danseurs, qui, tournoyant devant lui, finissaient à la longue par lui faire tourner le cœur, il se mettait à lire tous les journaux du soir. Il accomplissait cette lecture consciencieusement depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Un jour qu'il tâchait de se distraire d'un amas de pièces diplomatiques par les annonces, ses yeux furent attirés sur un nom qui ressemblait à celui de M. Kergomar. Au milieu d'attestations données à un remède nouveau et affirmant, dans l'intérêt de l'humanité souffrante, des guérisons miraculeuses, se détachait, remarquable par son étendue et sa rédaction, la lettre que voici. « Monsieur, j'obéis à la franchise et à la droiture d'un vieux militaire en vous faisant part des résultats qu'on peut, tout en restant au-dessous de la vérité, qualifier de prodigieux, obtenus sur moi par votre délicieux remède. Après avoir épuisé mes forces et ma santé au service de mon pays, j'étais tombé dans un état de douleur et finalement de faiblesse qui avait résisté à la science médicale, représentée par ses sommités. 10 années de traitement m'avaient réduit à ne plus pouvoir dormir, marcher, respirer, manger, digérer. Bien que d'une taille de 1m96 et d'une forte carrure, je ne pesais plus que 40 kg. C'est dans cet état que j'ai pensé à user de votre remède. La confiance m'est venue du dédain qu'en faisaient les médecins, au moins aussi envieux qu'ignorants. Je l'ai employé. 8 jours après, l'amélioration était venue. Au bout de 3 mois, après avoir consommé 10 paquets de votre remède, qui me coûtait en tout 50 francs, la guérison était complète, tandis qu'en 10 années, j'avais dépensé plus de 20 000 francs de drogues infectes et inefficaces. Aujourd'hui, une nouvelle vie m'anime, semblable à celle de la jeunesse, avec toute sa fraîcheur et son ardeur. Je fais 4 repas, je digère admirablement, je dors 12 heures d'un sommeil peuplé de rêves agréables, je pèse 105 kg. Voilà, monsieur, la vérité vraie et pure, telle qu'elle doit sortir de la bouche d'un vieux militaire. Faites-en l'usage que vous jugerez convenable. Peut-être pourra-t-elle servir nos malheureux semblables que la médecine fait en souffrir, agréer, etc. Baron K. Barré Gomard, ancien chef de bataillon, chevalier de la Légion d'honneur, de l'ordre du léopard néerlandais, etc., etc., 104, rue Olivier. Ce n'était point absolument le nom de M. de Kergomar, mais Martel savait assez de breton pour reconnaître, dans ce cas barré, l'abréviation ordinaire de Ker. C'était bien ses titres et qualités. L'adresse était-elle vraie? Le lendemain, il se présenta rue Olivier. M. le baron était pour le moment à l'étranger. Un de ses amis venait prendre ses lettres pour les lui envoyer. Au reste, si c'était au sujet de l'annonce, rien n'était plus vrai que l'état florissant de M. le baron. C'était ce que le concierge pouvait affirmer. Ce fut tout ce que Martel put obtenir. « C'est bien, » dit-il, « j'écrirai. » Il tournait le coin de la rue Lafitte lorsqu'il entendit derrière lui le pas rapide d'une femme qui le suivait, une grande fille qu'il avait eue autrefois pour modèle. « J'étais chez père, » dit-elle, « pendant que vous demandiez M. de Kergomar. Comme je vous sais incapable de faire du mal, je peux vous donner son adresse, si vous en êtes pressé. Monsieur Margot, boulevard Rochechouart, 67. Le numéro 67 du boulevard Rochechouart est une bicoque badigeonnée en rose, occupée par un marchand de vin et portant pour enseigne au jardin d'Italie, sans doute pour faire honneur à trois bosquets situés derrière la maison, où les consommateurs qui ont des goûts champêtres viennent le dimanche boire du bleu à 12. Un escalier, dont les marches en terre sont retenues par des douves de barrique, conduit à ces bosquets. Au bout de cet escalier s'élève une sorte de hangar en planches goudronnées. C'est une maison meublée. Ce fut là qu'on conduisit Martel. Il y a deux ou trois reprises, du bas de l'escalier, on appela Mademoiselle Idalie. Une jeune fille de 15 à 16 ans, jolie mais flétrie, accourut en perdant ses pantoufles qu'elle tâchait de rattraper d'une main, tandis que de l'autre elle croisait sur sa maigre poitrine un petit châle troué. « C'est pour nous consulter, » dit-elle, sans faire monter Martel. Celui-ci, ne sachant quoi répondre, s'inclina. « Vous n'êtes pas malade pourtant ?» Il la regarda surpris. « On vous trompe peut-être ?»« Il faut répondre, » pensa-t-il. Plus tard le mystère s'éclaircira. « Veuillez monter, » dit-elle. Au premier étage, qui était aussi le dernier, elle l'introduisit dans une petite pièce sale et misérable. « Monsieur Margot va venir, » dit-elle. En effet, un homme de 45 à 60 ans entra presque aussitôt. Il était vêtu d'une redingote jaune, boutonnée militairement et ornée d'un large ruban rouge qui s'étalait au milieu d'une mosaïque de taches de toutes couleurs. Son pantalon noir à la hussarde, lustré aux genoux, tombait déchiqueté sur des bottes éculées. Une cravate de taffetas cachait ou remplaçait le linge, en tenant droite une tête usée et ravagée. Les cheveux étaient gris et abondants, les dents blanches, les paupières enflammées. Le teint était cuivré, le regard dur. C'était M. Margot, ou plutôt M. de Kergomar. C'était le père d'Armande. « Monsieur, dit-il d'une voix majestueuse, nous allons mettre le sujet dans le sommeil magnétique et nous commencerons aussitôt. « Pardonnez-moi, interrompit Martel, il y a un malentendu. Je suis envoyé auprès de vous par Mme Berthaud, votre fille. « Ma fille, s'écria-t-il, comment diable m'avez-vous découvert ? Trouvé, veux-je dire. « Descendons, je vous prie. »« Le temps est beau, » dit M. de Kergomar lorsqu'ils furent dans le jardin. « Si vous n'avez pas de répugnance à faire un tour de boulevard, nous serons mieux pour causer. Je n'aime pas les murailles trop près de moi. » Ce fut donc en faisant ce tour que Martel s'acquitta de sa commission. « Un billet de 1000, » s'écria M. de Kergomar. « Ah, n'est-ce pas que ma fille est un cœur d'or ?» Puis s'arrêtant brusquement devant la porte d'un café. « Entrons là. » Et permettez-moi de vous offrir quelque chose, vous me parlerez d'elle. Oui, monsieur, c'est un cœur d'or. Martel se sentait plus de mépris que de sympathie pour ce père, si sensible au cœur d'or. Cependant, il n'osa trop refuser. Au reste, il n'eut guère plus à parler qu'à boire. Monsieur Kergomar s'acquitta largement des deux. J'aurais été bien heureux de voir ma fille, dit celui-ci. Mais mon gendre n'en a pas voulu. Il a eu honte de son beau-père, un chevalier de la Légion d'honneur, un soldat. Il se verse brusquement un verre d'eau-de-vie. Après tout, il n'a peut-être pas eu tort, car vous voyez où en est réduit ce soldat. Il est magnétiseur, et il donne pour 50 francs des attestations aux charlatans. Le sort, monsieur. Il vida son verre. La fortune. Il le remplit. Oui, la fortune m'a été mauvaise, et on ne peut pas dire cependant que je ne l'ai point courtisée. Entre nous, je l'ai même quelquefois violée. Et la bégueule ne me l'a pas pardonné. Elle n'est pas femme. Pourtant, mon gendre aurait pu se montrer moins rigoriste, car ce n'est pas un nourrisson pour le prix Montyon. On dit qu'il est l'amant en titre de la petite Boireau, ce qui est une sottise, si ce n'est pas plus. Il est mauvais qu'on se fasse connaître comme l'amant d'une femme à la mode. Et ma fille, ma chère fille, que dit-elle de cet abandon? Il regarda Martel en pleine figure. Elle aime toujours son mari, répliqua celui-ci, qui comprit parfaitement ce regard. Bref, elle doit être bien malheureuse alors. Voilà ce que c'est, monsieur, que de fouler aux pieds les lois de la nature. Son père près d'elle, elle eût été protégée. Quel secours, je vous le demande, pouvait lui venir de son grand-père? Il lui en est venu, cependant, dit vertement Martel, et en quelques mots il raconta ce que M. Michon avait tenté. En l'écoutant, M. de Kergomar secoua la tête, souriait doucement, haussait les épaules. « Des coups d'épée dans l'eau » s'écria-t-il tout à coup en vidant son verre d'un trait. « Le papa Michaud était un vieux discoureur, un vieux noble, qui entendait la vie comme j'entends la médecine. Ce n'est pas sur l'homme qu'on agit dans ses affaires, c'est sur la femme. Si la rupture ne vient pas d'elle, rien ne fait. Et sur une femme, il y a 1000 moyens d'action, si j'avais été là. Qu'auriez-vous fait ? Demanda Martel. Je ne sais pas, car je ne connais point le sujet. On parle d'elle de la façon la plus contradictoire. Pour les uns, elle est inoffensive, pour les autres, irrésistible. On dit qu'elle est honnête. On dit aussi que c'est une voleuse. Comme je n'ai jamais eu intérêt à savoir le dessous des choses, je ne me suis pas mis en peine. Mais si j'avais été auprès de ma fille, eh bien, je l'aurais su, et j'aurais agi dans le sens qu'il fallait. Croyez-vous que mon cœur eût pu rester impassible pendant qu'elle souffrait ? Décidément, pensa Martel, ce vieux chenapan parle du cœur comme un critique de Raphaël. Mais il connaît toutes les roueries parisiennes. Tous les moyens lui seraient indifféremment bons, si on essayait. « Pourquoi resteriez-vous impassible maintenant ? » dit-il tout haut. « Elle souffre encore. »« Ah, monsieur, est-ce qu'un homme réduit à l'état où vous me voyez ?» Il défit un bouton de sa redingote et montra sa poitrine nue sans linge et sans gilet. « Est propre, propre à quelque chose ?» il souligna son cynique jeu de mots. « Un diplomate sans le costume, quelle pitié !» « Il me faudra aller prendre mes lettres de créance chez le tailleur, le chemisier, le bottier. Et vous le savez, je ne suis pas retour de Californie. »« J'ai un tailleur, » dit Martel. « Son nom ? Pardonnez cette indiscrétion. Mais j'en ai tant brûlé que ce pourrait bien être du passé que vous auriez à répondre et non de l'avenir. » Martel dit un nom. « Je ne le connais pas, » reprit M. de Kergomard avec une évidente satisfaction. Puis, tout de suite, il continua chaleureusement. « Tenez !» « Ce que vous me dites de ma fille me touche, là !» il montra son cœur. « Et ce qu'elle vient de faire pour moi ?» il flatta son billet de banque. « M'entraîne. J'accepte votre tailleur. Dites à ma fille que j'essaierai de lui rendre son mari. C'est à son père de la défendre et de défendre sa fortune. Que comptez-vous faire ? Étudiez le terrain. Dans 8 jours, mon plan sera fait. « Voudrez-vous m'en avertir ? » dit Martel en se levant. « Je suis à mon atelier tous les jours jusqu'à 4 heures. Je serai heureux de vous y recevoir. » Monsieur de Kergomard s'inclina. Il sembla à Martel que ce n'était plus le même homme. Mais presque aussitôt, il le retrouva tel qu'il lui était apparu. Il s'agissait de payer le carafon d'eau-de-vie entièrement vidé. Martel, qui était l'invité, n'osait appeler le garçon et Monsieur de Kergomard ne l'appelait pas davantage. Enfin, celui-ci trancha la difficulté. Est-ce qu'il vous déplairait de m'offrir aujourd'hui ce que je vous rendrai demain ? Je suis sorti sans argent. Martel s'exécuta immédiatement. Vous pensez au billet de banque ? Dit M. de Kergomard, qui remarqua en lui une certaine surprise au mot « sans argent ». Ah, jeune homme, que vous êtes jeune ! Intact, il vaut 1 million. Changé, moins que rien. Vous ne savez pas ce que je gagnerais à le faire voir. M. de Kergomard avait demandé 8 jours pour étudier le terrain. Mais on resta 3 semaines sans entendre parler de lui autrement que par le tailleur qui avait reçu sa commande. « Encore un espoir de perdu, » dit Armande. « Mais à vrai dire, je m'y attendais un peu. Ne vous reprochez donc pas de me l'avoir donné. » Puis tout de suite, elle ajouta en rougissant. « Je vous tiendrai compte de la note de votre tailleur. » Il se trompait. 2 jours après cet entretien, M. de Kergomard entrait dans l'atelier de Martel. La métamorphose était si complète qu'au premier coup d'œil, celui-ci ne le reconnut pas. Le misérable du boulevard Rochechouart, le magnétiseur de Mademoiselle Idalie, le brigand de Madame Philolo, était devenu un bel homme, à l'apparence noble et résolue, marchant la tête haute, le regard assuré, la poitrine cambrée, le jarret souple et tendu, le pied serré dans de fines bottes à plis qui craquaient doucement. « Eh bien ?» dit-il en jetant avec grâce sur un meuble le moelleux pardessus qu'il portait sur le bras. « Vous ne comptiez plus sur moi ?»« C'est que ce que je vous avais promis n'était pas facile. C'est une fine mouche que notre Lina, vous vous en doutiez. Vous allez le voir avec preuve à l'appui. » Il parlait en marchant dans l'atelier. Arrivé devant un tableau qui venait d'être achevé et qui, tout frais dans sa bordure neuve, était posé sur un chevalet, il s'arrêta. « Très beau, » dit-il. « Profond sentiment de la nature, de l'air, de la lumière. » Très simple et cependant très savant. Voilà une belle œuvre, monsieur. » Et il alla vers Martel pour lui serrer les mains. Celui-ci se laissa faire, il n'en revenait pas. L'homme qui était là devant lui, dégagé dans sa tenue, si parfait dans ses manières et son langage, était-il celui qu'il avait vu quelques jours auparavant ? Monsieur de Kergomard ne lui laissa pas longtemps pour réfléchir. « Je vais vous faire connaître Lina, » dit-il en tirant son fauteuil de manière à bien voir le tableau qu'il venait de louer. « Comme tant de femmes qui vivent de nos folies, ce n'est point une paysanne venue à Paris sans autre fond qu'un peu de beauté ou de fraîcheur, bête comme les oies qu'elle gardait, ignorante comme ce chien. Elle est née à Paris, et elle a eu pour mère Madame Boireau, célèbre il y a 20 ans sous le nom de Saint-Ursin. Du père, nous ne parlerons pas, si vous le voulez bien, pour ne point mêler la fantaisie à la vérité. Ainsi que ses 3 sœurs l'ont élevée en vue d'être un jour une femme remarquable, dans l'industrie qu'elle exerce aujourd'hui, j'entends. C'est à 15 ans qu'elle a débuté, d'abord à l'étranger, puis ensuite à Paris, ce qui lui a permis de faire plusieurs petits débuts aussi lucratifs les uns que les autres, puisqu'ils étaient tous le premier. Après 2 années de cette vie, un Américain l'a franchie, moyennant $10 000, de la tutelle de sa mère. Pendant 18 mois, nous la perdons de vue. C'est à Paris que nous la retrouvons tout à fait lancée. Mais au lieu de suivre le chemin parcouru par 2 de ses sœurs qui ont amassé chacune de 500 à 600 000 francs, l'enfant a pris de l'envie d'être comédienne. Peut-être ce goût était-il un héritage de ce père dont nous n'avons point parlé. N'insistons pas. Quoi qu'il en soit, l'amour du théâtre la conduit à l'amour du comédien. Elle devient la maîtresse d'un cabotin de dernier ordre. Tendresse extravagante, bonheur dans une chaumière, misère dans la sudite. Querelle, monsieur, peu délicat, bah madame, vous voyez ça. Elle plante là l'idole de son cœur et rentre dans le monde, guérie de son amour, mais non de sa vocation. Ce qui fait qu'elle remplace le comédien par le journaliste. Yéna règne bientôt. Il est détrôné par mon gendre. Cette simple carcasse n'a pas la prétention d'être une histoire vivante et colorée, mais elle vous permet sans doute de vous faire une idée du personnage principal dans l'action qui va s'engager. Or, ce personnage est complexe, composé de forces et de faiblesses. Les forces, éducation supérieure et expérience, les faiblesses, le vin d'indépendance et vocation. Encore, pour la vocation, avons-nous la mauvaise chance que dans mon gendre se rencontre précisément celui qui peut la servir, puisqu'il tient au théâtre. Autre chance contre nous encore, et la plus puissante, amour. Martel fit un geste de doute. « J'ai dit amour, » reprit M. de Kergomard, « et j'ai bien dit amour partagé. L'amour de mon gendre pour Lina, vous n'en doutez point. L'amour de Lina pour lui est aussi certain. Notez, je vous prie, que je ne parle pas de fidélité. Si une fidélité absolue prouve quelque chose, une infidélité, plusieurs même, ne prouve rien. Dans ce monde, vous le savez comme moi, on trompe son amant et on l'adore. Voilà bien des choses contre nous. Pourtant, ce n'est pas tout. Lina aime, ce qui est beaucoup, elle sait aimer, ce qui est plus encore. C'est ici que je vous prie de me prêter votre attention. Nous entrons dans le vif de la nature du sujet, et franchement, ces renseignements ont été assez difficiles à obtenir pour que vous me pardonniez de les faire valoir. Cet avis était inutile, sous cette parole claire et brutale, Martel n'avait point de distraction. Lina, reprit M. de Kergomard, n'appartient point à ce genre de femmes qui se croient très habiles quand elles ont fait croire à leurs amants qu'ils sont aimés. Elles persuadent aux siens qu'ils aiment. Veuillez noter la distinction. Je suis aimé, cela flatte peut-être mon amour-propre. J'aime, cela flatte mon cœur, me rehausse à mes propres yeux, me dispose à la générosité, me rend indulgent et tendre, surtout si, comme mon gendre, perdant les vertus de la jeunesse, j'arrive à l'âge où l'égoïsme nous envahit. L'amant de Lina aime, il le sent. Il est aimé, il en a la preuve. Sera-t-il heureux? Oui, car s'il n'a pas une grande beauté, elle a quelque chose de plus puissant, l'habileté. Une habileté réelle à manier toutes les ficelles qui agissent sur un homme. Vous avez eu, n'est-ce pas, des maîtresses de ce monde. Et dans presque toutes, vous avez dû trouver de ces femmes passives, après lesquelles on court lorsqu'on est mordu par des désirs que provoque leur beauté ou leur réputation, mais auprès desquelles on ne retourne pas lorsque ces désirs sont éteints. Ce qui se produit bien vite. Lina, par elle-même, inspire le désir, elle le fait naître, elle le fait renaître, surtout. Lorsqu'elle tient un homme, elle ne le lâche pas, ou plutôt, c'est lui qui ne la lâche point. Un de ses amants me disait qu'il en était devenu amoureux sans l'avoir vu, et seulement parce qu'un de ses amis, amant en titre alors, lui racontait d'elle chaque jour. Sa langue s'étant un peu embarrassée, Martel ouvrit une armoire et en tira un flacon de rhum et 2 grands verres de Venise. M. de Kergomard ne se fit pas prier. Il emplit lui-même son verre jusqu'au bord et le vida d'un trait. Ses yeux lançaient des lueurs rouges et sa main tremblait. Ce n'était plus le gentilhomme qui venait de faire ce récit, c'était l'aventurier de la cité Fénelon. « Vous avez là, dit-il, un flacon qui serait mon ami. » Puis, s'étant renversé sur son fauteuil, il reprit l'entretien. « Nous voici donc, dit-il, en présence d'une situation esquissée, avec les moyens de défense de nos adversaires assez fidèlement inventoriés. Nous, quels sont nos moyens d'attaque? Premièrement, prouver à mon gendre que sa maîtresse le trompe. Peut-être serait-ce possible, mais pour les raisons déjà données sur l'infidélité, ce serait probablement inefficace. Deuxièmement, prouver à Lina que mon gendre sera bientôt ruiné. Plus facile encore, mais elle pourrait très bien prendre un amant en titre pour son pot-au-feu, garder M. Berthaud pour son cœur, et après quelques tiraillements, ça recommencerait aussi solide que par le passé. Troisièmement, enfin, faire en sorte que mon gendre abandonne tout à fait ma fille et aille vivre chez sa maîtresse, ce qui pour moi est infaillible, attendu que ces ménages-là ne durent jamais et qu'on en sort guéri pour toujours. « Jamais Madame Berthaud, s'écria Martel, ne consentira pareil remède. Il serait pire que le mal, et d'ailleurs, en attendant un bonheur problématique, nous aurions un malheur certain. Je n'insiste pas. Offrez-moi mieux, j'écoute. » Et pour écouter tout à son aise, il se versa un verre de rhum qu'il dégusta lentement. Après 5 ou 6 minutes de silence, voyant que Martel ne disait rien, il reprit « Vous ne trouvez point, n'est-ce pas ? N'en soyez ni surpris ni humilié, la situation est délicate. Et de plus roués que nous s'y sont embourbés. C'est qu'il n'est pas facile de rompre ces liaisons. Nous n'avons plus les bonnes lettres de cachet de l'ancien régime. On n'embarque plus aujourd'hui les Manon pour l'Amérique. Ainsi vous renoncez. Moi, monsieur, je ne renonce jamais. Je n'ai même pas encore renoncé à faire fortune. Et puisque vous repoussez mon principal moyen d'attaque, je vous propose de recourir à tous ceux que je viens de vous énumérer, c'est-à-dire de prouver à mon gendre que Lina le trompe, et en attendant, de resserrer le lien qui les joint, de telle sorte que, trop tendu, ils se brisent plus facilement. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide et d'argent. Je suis à votre disposition. » Monsieur de Kergomar s'inclina en signe de remerciement et continua. « Par ce que je vous avais dit jusqu'ici, vous avez pu voir que j'avais obtenu bien des renseignements sur Lina. Mais presque tous, je n'ai pas besoin de vous le faire observer, se rapportent au passé, très peu au présent. » Or, c'est le présent qu'il nous faut maintenant, puisque nous voulons prouver à M. Berthaud qu'il s'est trompé. Ce que nous ne savons pas, à vrai dire, est ce que nous devons commencer à découvrir avec preuve à l'appui. Dans mon enquête, je me suis beaucoup servi de la femme de confiance de Lina, une Madame Amédée, que je voudrais vous faire connaître, si nous en avions le temps. Cette vieille servante du diable aime jusqu'à la passion la flatterie et les liqueurs fortes. Deux petits défauts qui peuvent mener loin, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui s'est interrogé et écouté. Aussi, grâce à une abondante consommation d'alcool et de compliments, lui a-t-il échappé une foule de petits détails, futiles en apparence, mais qui, groupés, ont une valeur réelle. Un cheveu, vous le savez, lorsqu'il est adroitement tiré, vous livre souvent la tête. C'est ainsi que j'ai constaté entre Lina et Madame Jourdeuil des relations suivies, et Madame Jourdeuil sera, je l'espère, notre cheveu. Vous devez la connaître. Martel avoua qu'il n'avait point cet honneur. « Allons, dit M. de Kergomar, avec un allié comme vous, il faut à chaque mot modifier son plan. Que les artistes sont donc ignorants. Madame Jourdeuil, mon cher monsieur, est la providence du monde galant. Sage-femme, marchande à la toilette et banquière, c'est elle qui loue presque tous les bijoux et les billets de banque dont... « Hein ?» dit Martel. « Qu'est-ce que c'est que cette industrie ?»« Ah, ça, mais... » dit M. de Kergomar avec une nuance de pitié et de bonhomie. « Vous avez donc passé votre vie à travailler. Enfin, ouvrons une nouvelle parenthèse, car pour le rôle que je vous destine, il faut que vous connaissiez cette industrie. Vous n'avez que quelques louis dans votre poche, et vous allez dans une réunion où l'on joue, et où il est de votre intérêt, ou de votre vanité, de faire figure. Vous louez quelques billets de banque, que vous étalez devant vous, vous ne risquez que vos 2-3 louis et vous acquirez bien vite la réputation d'un garçon riche, mais prudent, la meilleure de toutes les réputations. Un billet de 1000 francs se loue 50 francs par mois ou 10 francs par soirée. Une bague de 500 francs se loue 30 francs par mois. Une montre, 30 francs. Une parure en diamant ou en pierre vraie, selon sa valeur. Madame Jourdeuil ne centralise pas ce commerce, mais elle le pratique sur une large échelle. Elle est commissionnaire pour les objets dont elle n'est pas propriétaire. Trop connu d'elle, pour en rien attendre moi-même, je compte sur vous pour me remplacer. Je vais vous y conduire, si vous voulez bien. Vous l'aurez une bague, ou mieux, un billet de 1000 francs, car vous n'êtes pas un homme à porter des bijoux. Une fois en relation d'affaires, vous tirerez d'elle tout ce que vous pourrez sur Lina. Au point où nous en sommes, un mot peut nous apprendre bien des choses, et si la mère Jourdeuil veut parler, elle en sait assez long pour nous tirer d'embarras. Seulement, parlera-t-elle? Là est toute la question. Au reste, lors même qu'elle ne dirait rien, c'est mettre la chance de notre côté que de la connaître. Car il peut être de son intérêt de remplacer M. Berthaud par un autre, de tenir Lina dans une gêne passagère. Enfin, 1000 combinaisons qu'on ne peut pas prévoir juste et qu'il faut tâter. Allons-y tout de suite. Non, nous ne la trouverons que ce soir. Il était l'heure de dîner. M. de Kergomar se fit inviter par Martel, et à table, il prouva qu'il s'entendait à organiser un menu, au moins aussi bien qu'une intrigue. Madame Jourdeuil n'était point encore entrée lorsqu'ils arrivèrent chez elle. On l'attendait d'un moment à l'autre. On les introduisit dans un salon assez grand, garni de meubles neufs, de tentures magnifiques, 1000 objets de fantaisie. Un salon de marchands de curiosités, et de fait c'en était un. Chacun de ces meubles et de ces objets était exposé là pour tenter les clientes qui n'avaient pas peur d'acheter à crédit et à terme. Il y avait à peine 5 minutes qu'ils étaient assis lorsqu'ils entendirent dans l'entrée une voix de femme jeune et fraîche, mais tremblante de précipitation. « Pas encore entrée ?» disait cette voix. « Non, » répondit la bonne. « Voulez-vous attendre ?»« C'est impossible, je n'ai qu'une minute. Dites-lui que n'importe comment il me faut ce soir ma parure de diamant. Dites-lui que mon mari me la demande. On la rapportera comme si elle était rendue par le bijoutier. Je paierai tous les dédits de location qu'elle voudra. N'oubliez pas, ce soir, de chez le bijoutier. » Et la porte se referma. Pourquoi cette femme du vrai monde loue-t-elle ses diamants? Dit tout bas M. de Kergomar. Que fait-elle de l'argent qu'elle en tire? Est-ce pour habiller les enfants de la crèche de sa paroisse, ou bien pour payer les dettes de quelque amant pauvre? Vrai, la vie est curieuse à étudier. Triste, dit Martel. Ou gai, reprit M. de Kergomar, selon le tempérament de celui qui regarde. Cette conversation qui menaçait de devenir philosophique fut interrompue par un violent coup de sonnette. Presque aussitôt entra dans le salon un jeune homme de 20 à 22 ans, vêtu à la dernière mode et portant très ostensiblement sur sa cravate de satin bleu de roi une large fleur de lys en argent. M. de Kergomar se leva et alla au-devant de lui. « Mon cher monsieur de Plouat, dit-il en lui tendant la main, « enchanté de vous voir. Cependant, je regrette que ce soit ici. » Le jeune homme accueillit assez mal ses avances, soit qu'il n'eût point une grande considération pour celui qui les lui faisait, soit qu'il fût honteux d'être rencontré en pareil lieu. Mais, après être resté assez longtemps silencieux, il s'approcha de M. de Kergomar, qui avait repris son entretien avec Martel. « Pardonnez-moi de vous interrompre, » dit celui-ci avec une exquise politesse, puis se tournant vers M. de Kergomar, et d'un ton qui veut garder les distances. « Vous avez des relations avec Mme Jourdeuil, » dit-il, « assurément. » De l'influence sur elle, sans doute. M. Kergomar fit un geste qu'on devait interpréter comme une affirmation. Alors, continua M. de Plouat, vous pouvez me rendre un grand service, que je saurais reconnaître. Voici de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, il s'adressa à Martel. Excusez-moi si je vous ennuie de mes affaires, mais c'est un peu ici comme chez un médecin spécialiste, où l'on se raconte le mal dont on souffre pour passer le temps. Il y a 6 mois, aux courses de Dinan, j'ai perdu en plus de ce que j'avais une somme de 10 000 francs. Un de mes amis, que vous devez connaître, il se tourna vers M. de Kergomar, de Kersingerie, m'a mis en relation avec Mme Jourdeuil qui l'avait plus d'une fois obligé. Sur un billet de 16 000 francs à 6 mois, j'ai eu mes 10 000 francs. Ce billet arrive à échéance demain à midi et je n'ai pas les fonds. Mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il est payable au domicile de mon père. C'est là une rouerie de cette infernale Madame Jourdeuil pour être certaine d'être payée 2 jours avant l'échéance et n'avoir jamais de frais à faire. On nous impose notre vrai domicile, qui est le domicile paternel, et où vous comprenez bien que nous ne pouvons pas laisser présenter le billet. C'est là mon cas. Carban, qui est l'escompteur, a envoyé le billet à son huissier de Lamballe, et si demain il n'avertit pas l'huissier par une dépêche télégraphique que les fonds sont à sa disposition, le billet sera présenté chez mon père. C'est-à-dire que je serai déshérité et qu'en plus, j'aurai désolé ma famille. Pouvez-vous décider, Madame Jourdeuil, à renouveler le billet en l'augmentant de 2, 3, 4 000 francs s'il le faut? Je suis sûr d'avoir les fonds. Dites-lui bien que si elle n'y consent pas, mon père ne paiera point sans résistance, qu'il y aura procès, que nous prouverons l'usure, car car j'ai des lettres, Kersingerie aussi, et deux ou trois autres de nos amis. » Monsieur de Kergoma resta quelques instants sans répondre. Enfin, il se décida. « Je ne peux pas beaucoup sur Madame Jourdeuil, et je ne tenterai rien, mais je crois pouvoir vous répondre de Carban, que je connais et qui est le vrai maître du billet. »« Le temps presse, » dit Monsieur de Plouas, qui respira comme s'il revenait sur l'eau après un terrible plongeon. « Allons tout de suite chez Carban, » dit Monsieur de Kergomar. Et il fit signe à Martel pour que celui-ci les accompagnât. « Nous reviendrons tantôt, » dit-il à la bonne. Lorsqu'ils furent dans la rue, Martel, stupéfait de cette prompte détermination, le prit à part. « Eh bien, est-ce que notre affaire ne presse pas autant que celle de ce Bambin ?»« Ce Bambin, » répondit M. de Kergomar, « va peut-être nous faire réussir. Carban est mon ami, mon ancien associé. À nous deux, nous allons voir ces preuves d'usure dont il nous a parlé, et si elles sont ce qu'il dit, au lieu de venir en suppliant auprès de la mère Jourdeuil, nous y viendrons en maître, et bon gré mal gré, nous la ferons parler. Notre plan est modifié, comme l'est celui d'un général qui, n'ayant que 10 000 hommes, reçoit un secours de 100 000 combattants. « Je vais chez Carban, j'irai chez vous demain. » Ce fut seulement 4 jours après cette soirée que Martel le revit. « Allons, » dit-il en entrant, « adressez-moi vos félicitations. Depuis 1 heure, mon gendre a été congédié par sa maîtresse, et ils ne se reverront pas, je vous l'assure. » Et content de l'effet qu'il venait de produire, il se laissa aller à la renverse dans un fauteuil. Après avoir joui quelques instants de l'étonnement de Martel, il continua. Les preuves d'usure qu'offrait le Bambin étaient bonnes. Mais ce n'était rien. Devinez à l'ordre de qui était souscrit le billet qui causait son tourment. Allons. Vous n'y êtes point, n'est-ce pas? À l'ordre de Mademoiselle Amélina Boireau, propriétaire et rentière. Au lieu de tenir seulement la chanterelle, c'était notre gibier qui nous tombait tout plumé. Tout plumé n'est pas le mot, comme il l'a été depuis. Trop de son époque pour ne point faire d'affaires. Lina était trop maligne pour se risquer à la bourse, où d'ailleurs on gagne bien peu. Et d'un fonds de roulement de 50 000 francs à peu près, elle tirait par l'intermédiaire de la mère Jourdeuil un intérêt de 4 à 5 % par an. Non seulement notre Bambin était son débiteur, mais Kersingerie aussi, et 8 ou 10 de ces jeunes gandins de province qui viennent chaque année passer quelques mois à Paris, et y vivent pendant les vacances sur le pied de 300 000 livres de rente, pendant que papa et maman mangent des pommes de terre dans le castel délabré. Vous voyez que Lina faisait d'assez bons bénéfices. Par malheur, elle côtoyait la police correctionnelle, si un beau jour l'on pouvait obtenir des preuves de son commerce. Le hasard a voulu que Carban fût mon ami en même temps que l'escompteur de la mère Jourdeuil. Si bien qu'avec ce qu'il avait, réuni à ce que m'ont fourni nos petits Bretons, je tenais Lina dans ma main. Une transaction, dans le détail de laquelle il est inutile que j'entre, est intervenue entre nous, et par-dessus le marché, il a été solennellement promis que mon gendre serait congédié. Et ce qu'il y a de très joli, c'est qu'il ne saura jamais. Quelle reconnaissance il me doit, car Lina ne pourrait parler qu'en avouant la vérité entière, ce qu'elle ne fera pas. D'abord, parce qu'elle tient à l'estime de son ancien amant qui la croit pauvre, puis aussi parce qu'elle sait que cela me contrarierait, ce qu'elle évitera avec soin maintenant, qu'elle me connaît et sait ce que je vaux. Quelle était cette petite transaction, c'est ce que Martel ne comprenait pas. Mais le mot par-dessus le marché lui fit flairer quelques chantages et l'empêcha de demander des explications. Le vrai, c'est que M. de Kergomar et Carban, associés pour ce beau coup, avaient, sous la menace de la police correctionnelle, extorqué à Lina 30 000 francs, c'est-à-dire le montant des intérêts usuraires des billets qu'ils avaient entre les mains. « Voilà, » continua M. de Kergomar, « comment j'ai eu le bonheur de servir ma chère fille. Qu'elle le sache ou l'ignore, je n'en serais pas moins heureux. C'est dans son propre cœur qu'on trouve la récompense du peu de bien qu'on a fait. » Sur cette grande parole, il se leva, et fit un tour par l'atelier, regardant les études accrochées au mur. Arrivé devant une petite esquisse qui représentait une enfant de 2 ans, il s'arrêta. La charmante enfant, quelle tête ravissante, c'est un portrait. Celui de votre petite fille, dit Martel. C'est vrai, il me semblait trouver une ressemblance avec Armande lorsqu'elle était enfant. Est-ce qu'elle est aussi jolie que vous l'avez faite? A-t-elle la gentillesse, la gaieté douce que vous lui avez donnée? Pourquoi ne la verriez-vous pas? Dit Martel, touché de cette émotion qu'il sentait vraie. « Ah non, je ne veux pas aller chez mon gendre. »« Mais sans y aller, vous pourriez voir Victorine. Elle va tous les jours aux Tuileries par les Champs-Élysées. » « Oui, » dit-il vivement, « je la verrai. » Mais presque aussitôt il ajouta, « Non, j'aime mieux qu'elle ne connaisse point son grand-père. » « Eh bien, » dit Martel, « acceptez cette esquisse. » Et décrochant la toile, Il la mit presque de force sous le bras de M. de Kergomar. À quelques jours de là, Victorine raconta qu'un grand vieux monsieur l'avait embrassée aux Tuileries et lui avait donné des gâteaux et un beau mouton à roulettes. On lui fit faire le portrait du beau grand vieux monsieur. Armande reconnut son père. « Allons, » se dit Martel, dans un cœur si bourbeux qu'il soit, « il y a toujours une fleur qui surnage. »